archange du ciel, déesse si lointaine, pourtant toujours si proche, avec la sincérité d'une âme qui t'appartient déjà, avec les battements d'un cœur qui tient. Reçois ces fleurs du ciel.